Ouais, hey, on a bien perdu tout ce qu'on a mal acquis. Tu frère, tu parles à qui? Tu fais exploser comme un baraki. Monte dans les problèmes, sous un 300 de l'huile russe, on t'emmène. Je fume la vida, frère, elle a le sida, ramène-la quand même. Je me rappelle de toi, Bounou, quand t'as tout bu, je t'ai dit nique pas le verre. Toi, tu viens dans mon studio pour me sauver la vie. Hey, nique ta mère! Si chiffre, major, contrat, j'ai le genre, clic, clic, faites vite. Je vais mettre 7-8, élevé, Balmain, PP, 7-8. Donne-moi mon beat, laisse-moi mon lit, je suis chez personne, moi. Donne-moi mon beat, laisse-moi mon lit, je suis chez personne, moi. Donne-moi mon beat, laisse-moi mon lit, je suis chez personne, moi. Donne-moi mon beat, laisse-moi mon lit, je suis chez personne, moi. 300 étoiles à l'infini, T7 Mafia. 300 étoiles à l'infini, T7 Mafia. 300 étoiles à l'infini, T7 Mafia. 300 étoiles à l'infini, T7 Mafia. Jamais de la vie je paierai, parle-moi plus fait intérêt. Aucune embrouille enterrée de texte, on compte carreau, ça porte un champéret. Le game c'est ma wilaya, chargeur plein pour les broussies. Quand je peux east to you speak bitch, aïe, parle en glissière, do you suce me? Adagio pilon, rêveur de millions, gros tapin et cheese meuf. Je dors dans mon drapeau, le fien son sort à 0,99. Gros c'est nous, on dit c'est qui, c'est quoi moi 9 piges, j'attends pas qu'on nous valide. J'irai dans ma montagne poser mon disque d'or au cimetière des chahides. Donne-moi mon beat, laisse-moi mon nid, je suis chez personne, moi. Donne-moi mon beat, laisse-moi mon nid, je suis chez personne, moi. Donne-moi mon beat, laisse-moi mon nid, je suis chez personne, moi. Donne-moi mon beat, laisse-moi mon nid, je suis chez personne, moi. 300 étoiles à l'infini, DZ Mafia. 300 étoiles à l'infini, DZ Mafia. 300 étoiles à l'infini, DZ Mafia. 300 étoiles à l'infini, DZ Mafia. Donne-moi mon beat, laisse-moi mon nid, je suis chez personne, moi. Donne-moi mon beat, laisse-moi mon nid, je suis chez personne, moi. Donne-moi mon beat, laisse-moi mon nid, je suis chez personne, moi. Donne-moi mon beat, laisse-moi mon nid, je suis chez personne, moi. 300 étoiles à l'infini, DZ Mafia. 300 étoiles à l'infini, DZ Mafia. 300 étoiles à l'infini, DZ Mafia.